الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد. Donc après la coupure du Khaj, on continue l'explication du livre شرح لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد, un livre de l'imam Ibn Qudama al-Maqdisi, et l'explication du Cheikh Salih Ibn Fawzan Al-Fawzan, hafidahullah ta'ala. Donc, lors du dernier cours, on avait cité les différentes sortes de ta'wil, d'interprétations qu'il y avait, et on avait vu qu'il y en avait trois. La première et la deuxième, qui sont connues des savants de l'islam, des savants des salafs, et la troisième compréhension, ou la troisième explication du ta'wil, de l'interprétation, qui elle est fausse et est appliquée et utilisée par les gens de l'innovation. Quant à la première signification que l'on avait vue du terme ta'wil, ça signifie la première explication qu'on avait donnée, c'était at-tafsir, c'est-à-dire l'explication et montrer le sens. Et ceci est compris dans le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit: وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ, et ne connaît son interprétation qu'Allah et ceux qui sont ancrés dans la science. Ne connaît son interprétation, c'est-à-dire ne connaît sa signification. Et c'est une des lectures dans le Coran, c'est de lire ce verset et de s'arrêter à الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ. وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ. Il ne connaît son interprétation qu'Allah et ceux qui sont ancrés dans la science. C'est-à-dire qu'Allah connaît le sens, mais également ceux qui sont ancrés dans la science connaissent aussi le sens de ces versets ambigus. Non, justement. Ça, c'est la première explication. La deuxième, que Cheikh Fawzan a cité également, qui signifie... Donc la première signification de ta'wil, d'interprétation, c'est tafsir, l'explication du sens. Et la deuxième explication qu'on avait donnée, de savoir ce qu'une chose va devenir dans le futur. Comme l'a dit Cheikh Fawzan, c'est-à-dire de connaître une chose, de connaître la caractéristique d'une chose qui va avoir lieu dans le futur. Jawad, c'est le quatrième dans la liste. Et ceci est compris dans la deuxième lecture de ce même verset qui préconise de s'arrêter à Allah. وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ, et ne connaît son interprétation qu'Allah. وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلُّ مِنْ عِنْدِنَا. Quant à ceux qui sont ancrés dans la science, يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ, ils disent, nous y croyons, كُلُّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا, tout provient de notre Seigneur. Et c'est dans cette lecture-là qu'on comprend que le terme ta'wil peut vouloir dire aussi ce qu'une chose va devenir dans le futur. Et dans ce cas-là, seul Allah subhanahu wa ta'ala connaît le ta'wil. Et Cheikh Fawzan, hafidhahullah, avait donné des exemples. هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ. Dans le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ, c'est-à-dire, est-ce qu'ils n'attendent que son interprétation de quoi Allah Azza wa Jalla veut parler dans ce verset? Il veut parler du livre, du Coran, et de ce qu'il a informé comme arrivé du jour dernier. Puis Allah Azza wa Jalla dit يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ, le jour où son interprétation arrivera. C'est-à-dire l'interprétation de quoi? Du jour dernier. Le jour où son interprétation arrivera. Qu'est-ce que signifie ici le terme ta'wil? Est-ce qu'il signifie at-tafsir? Explication? explication d'un jour, le jour où son explication arrivera, ça n'a pas grand sens. Mais il faut comprendre de cela le deuxième sens du terme ta'wil, qui veut dire ce qu'une chose va devenir dans le futur. C'est-à-dire le jour où ils connaîtront la réalité de ce jour et de ce qu'Allah Azza wa Jalla a informé de ce qui se passera dans ce jour dernier. Yawma ya'ti ta'wil, le jour où son interprétation, c'est-à-dire l'interprétation du jour dernier arrivera, yaqulu alladhina nasuhu min qablu, diront ceux qui l'auront oublié auparavant, qad ja'at rusulu rabbina bil haqq, les envoyés de notre Seigneur sont venus avec nous, avec la vérité. فَهَلَنَا مِنْ شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا فَهَلَنَا مِنْ شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا. Y a-t-il des intercédeurs qui peuvent intercéder en notre faveur? أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلَ. Et à défaut de ces intercesseurs, pourrons-nous être retournés sur terre afin d'accomplir ce que nous n'avions pas accompli? Donc ici, on voit très clairement le deuxième sens du terme ta'wil, qui veut dire ce qu'une chose devient dans le futur. Et également, Cheikh Fawzan, Hafidhahullah, j'ai donné un deuxième exemple pour illustrer le deuxième sens du terme ta'wil, qui veut dire ce qu'une chose devient dans le futur. Quel est ce deuxième exemple qu'il avait donné? Hein? Dans Surat Yusuf, lorsque Yusuf alayhi salam s'est adressé à ses parents en leur disant wa qala ya abati hadha ta'wilu ru'yaya min qablu qad ja'alaha rabbi haqqa, lorsque Yusuf alayhi salam a dit à ses parents, ô mes parents, ceci est l'interprétation de mon rêve auparavant, que j'ai fait auparavant. Allah en a fait aujourd'hui une vérité. C'est l'interprétation. Ici, comment comprendre le terme interprétation ta'wil? C'est-à-dire, c'est voici la réalité du rêve que j'ai fait, la réalité qui n'est venue que par la suite, dans le futur. Voici sa réalité. Car il s'est passé de nombreuses années entre le rêve de Yusuf alayhi salam et le jour où Allah Azza wa Jal a mis devant lui son père, sa mère et ses frères qui se sont prosternés devant lui. Et ceci explique le rêve qu'il a fait en voyant Inni ra'aytu 11 kawkaban والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. Lorsque il a cité son rêve à son père, j'ai vu 11 étoiles, le soleil et la lune se prosterner devant moi. Les 11 étoiles sont ses 11 frères et le soleil et la lune sont ses deux pères, ses parents à fond. Et ils se sont prosternés devant lui. Est-ce que c'est une prosternation d'adoration ou une prosternation de salut? De salut. Non, car à l'époque, il était autorisé dans la religion de se prosterner devant quelqu'un en guise de salut. Donc, le sens de ta'wil en islam, les deux sens vrais et qui ont leur explication dans le Coran sont le premier, ce qui veut dire « at-tafsir », l'explication, et le second, ce qu'une chose va devenir dans le futur. L'interprétation d'une chose, c'est-à-dire ce qu'elle va devenir dans le futur. Et ceci, seul Allah Azza wa Jal en a la connaissance. Quant au premier, Allah Azza wa Jal et ceux qui sont ancrés dans la science en ont la connaissance. Puis, Cheikh Fawzan avait expliqué « وَهُنَاكَ مَعْنًا ثَالِثْ لِلْتَأْوِيلِ مُحْدَثٌ » أحدثه علماء الكلام وهو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر بدليل يقترن ذلك بزعمهم. Cheikh Fawzan avait dit, et il y a un troisième sens, une troisième explication du terme ta'wil qui est innové, qu'ont innové des savants de la parole, qui ne sont pas des savants de science, qui signifient de dévier le sens d'un terme vers un autre sens. Et ceci avec une preuve qui, pour eux, qui vis-à-vis d'eux est une preuve. En utilisant des preuves qui ne sont des preuves que pour eux, mais qui en réalité ne sont pas des preuves. Cheikh Al-Fawzan dit wala asla li hadha at-ta'wil fi kitabillah wala fi sunnati rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa inma huwa istilahun istalahu lidhalik yu'awwilun al-yad bil-quwwa wa yu'awwilun al-wajha bil-dhat na'am bil-qudrah لذلك يؤولون اليد بالقدرة ويؤولون الوجه بالذات ويؤولون الرحمة بالإرادة بإرادة الإنعام والغضب بإرادة الانتقام والنزول والمجيء بمجيء أمره ونزول أمره وهكذا يحولون اللفظ ويفسرونه بغير معناه هذا هو التأويل المذموم وهو اصطلاح محدث إن يبا كما يقول الفوزان. Il n'y a pas de base dans ce ta'wil, dans cette troisième explication du ta'wil, qui est de dévier un sens du sens déjà connu. Il n'y a pas de preuve, ni dans le Coran, ni dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est un terme qu'ils ont eux-mêmes mis en place. Et à travers ceci, ils interprètent la main d'Allah subhanahu wa ta'ala comme étant le pouvoir, ils interprètent son visage comme étant son essence, ils interprètent sa miséricorde comme étant de vouloir combler ses serviteurs de bienfaits. Ils interprètent la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala comme la volonté de châtier. Ils interprètent la descente et la venue d'Allah azza wa jal comme la descente de ses commandements et la venue de ses commandements. Et ainsi, ils interprètent tous les mots et ils expliquent il leur donne une explication qui est autre que celle de leur sens. Hada huwa ta'wil al-madhmum. C'est ceci, l'interprétation à condamner. Wa huwa istilah al-muhdath. Et c'est un terme innové. Wa amma ta'wil al-sahih, fa huwa ma dhukira fi al-Qur'an, wa huwa ala naw'ayn kama asrafna. أما أهل الزيغ الذين في قلوبهم زيغ فإنهم يأخذون بالمتشابه ولا يردونه إلى المحكم يأخذون بالمتشابه ويتركون المحكم ويقولون نحن استدلنا بالقرآن. Quant à l'interprétation authentique et vraie, c'est ce qui est cité dans le Coran et qui sont au nombre de deux que l'on a cité précédemment. Quant aux personnes égarées qui ont une déviation dans leur cœur, ils prennent uniquement les versets à équivoque et ne les soumettent pas aux versets clairs sans équivoque et ils prennent uniquement les ambiguïtés et délaissent les choses claires et évidentes. Et ils disent que nous nous basons sur le Coran. Puis Cheikh Al-Fawzan donne des exemples pour illustrer l'utilisation des gens de l'innovation de versets ambigus et ceci pour but de dévier. Fayaqul al-Khawarij, Cheikh Al-Fawzan donne le premier exemple des Khawarij. Les Khawarij disent, comme le dit Allah Azza wa Jal, wa man ya'si Allah wa rasulahu fa inna lahu nara jahannam khalidan khalidina fiha abada. Les Khawarij utilisent la parole d'Allah Azza wa Jal, et celui qui désobéit à Allah et à son envoyé, à lui l'enfer de la Jahannam, le feu de la Jahannam, il y restera éternellement à jamais. فيقولون هذه الآية تدل على أن العاصي كافر وأنه مخلد في النار ولا يردون هذه الآية إلى قوله تعالى إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Que disent les Khawarij? Ils disent, dans ce verset, il y a une preuve que celui qui désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala est mécréant et qu'il restera éternellement en enfer. Et ils ne soumettent pas ce verset à l'autre verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit « Inna Allah la yaghfir wa yushraka bih wa yaghfir ma duna dhalika liman yasha. » Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quelque chose, mais il pardonne toute autre chose à qui il désire. Donc les Khawarij ont utilisé le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit « Celui qui désobéit à Allah et à son envoyé, à lui, le feu de la Jahannam, éternellement à jamais. Car qui restera éternellement en enfer? Ce sont les non-musulmans. Ce sont eux qui resteront éternellement en enfer. Quant aux musulmans qui a cru en Allah et en son envoyé, s'il a désobéi Allah Azza wa Jal et a commis de grands péchés sans les avoir fait suivre de repentir, ils sont sous la volonté d'Allah. S'il veut les pardonner, il leur pardonne. S'il veut les châtier, il les châtie. Donc il est possible qu'un croyant, qu'un musulman soit châtié en enfer, mais il en sortira un jour ou l'autre et n'y restera pas éternellement. Et les Khawarij, ceux qui disent que celui qui commet un péché est mécréant et il sort de l'islam, et ils apportent ce verset. Mais ce verset, donc ils apportent une chose, ils disent quelque chose et ils le prouvent. Est-ce qu'ils ramènent une preuve ou pas? Oui, ils ramènent un verset. Un verset qui, lorsqu'on le lit, peut porter à confusion. D'accord? Mais cette preuve est infondée, car ils n'ont pris qu'une partie du Coran sans prendre en considération les autres versets. Et c'est là où arrive, ou c'est là où intervient leur erreur, et c'est là où intervient leur égarement. C'est qu'ils utilisent des versets ambigus et délaissent les versets qui sont clairs. Et dans cet exemple-là, ils ne soumettent pas le premier verset au second, où Allah subhanahu wa ta'ala dit « Allah ne pardonne pas à ce qu'on lui associe quelqu'un, mais il pardonne toute autre chose à qui il veut. » En rassemblant ces deux versets, qu'est-ce qu'on en déduit? وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ. On en déduit que Allah Azza wa Jalla, lorsqu'il a dit وَمَنْ يَعْصِ اللَّهِ, que celui qui désobéit à Allah et à son envoyé, c'est-à-dire celui qui commet l'associé, celui qui commet l'associanisme, c'est lui qui, lorsqu'il ne se repent pas, il entrera en enfer éternellement à jamais. D'accord? Car Allah Azza wa Jalla a dit dans le second verset وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ. Et il pardonne toute autre chose, c'est-à-dire tout autre péché qui n'est pas associanisme, Allah Azza wa Jal le pardonne, mais il a rajouté les mayyasha, à qui il veut. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal voudra pardonner à certaines personnes et ne voudra pas pardonner à d'autres. وإلى قوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. Également l'autre verset, Allah Azza wa Jalla dit: si vous vous abstenez des grandes choses qui vous ont été interdites, نكفر عنكم سيئاتكم, nous vous pardonnerons vos péchés et nous vous ferons rentrer dans une demeure bénie et saine. وكذلك يأخذون قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وما في قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها ويكفرون القاتل. Également Cheikh Fawzan hafidhahullah donne un autre exemple des Khawarij. Ils disent également qu'ils prennent en considération la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam: ne devenez pas, ou ne devenez pas mécréants après moi en frappant, en vous frappant les uns les autres la nuque, c'est-à-dire en vous tuant et en vous combattant les uns les autres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ne redevenez pas mécréant après moi. Comment devenir mécréant? Dans ce hadith, on en déduit يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ, en frappant les uns les autres les nuques, en vous frappant la nuque les uns les autres. Donc ils utilisent ce hadith pour dire que celui qui tue son frère est mécréant, et que celui qui commet un meurtre devient par ce péché mécréant. Et ils apportent en plus de ce hadith un verset où Allah Azza wa Jal dit وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا. Et celui qui tue un croyant volontairement, alors sa récompense sera le Jahannam éternellement. Il y restera éternellement. Celui qui tue un croyant volontairement, il aura le feu de l'enfer éternellement. Et on a dit que ceux qui restent éternellement en enfer sont les non-musulmans. Donc on en déduit que celui qui tue un croyant volontairement devient mécréant. Donc ils apportent une chose, ils attestent que celui qui tue ou que le meurtre fait plonger la personne dans la mécréance et que le tueur est mécréant, et ils apportent comme preuve un verset et un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis Cheikh Fawzan dit wa la yarji'una ila qawlihi ta'ala wa in ta'ifatan min al-mu'minin qatatalu fa aslihu baynahuma. Cheikh Fawzan dit et ils ne reviennent pas à la parole où Allah azza wa jalla dit et lorsque deux groupes de croyants se combattent, alors fa aslihu baynahuma, réconciliez entre eux, faites la réconciliation entre ces deux groupes. Ici, Allah Azza wa Jal dit wa in ta'ifatani min al-mu'minin. Ici, deux groupes de croyants se combattent. Donc, malgré qu'ils se combattent et qu'ils se tuent les uns les autres, Allah Azza wa Jal les a appelés croyants. Ila qawlihi ta'ala innama al-mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna akhawaykum. Puis Allah Azza wa Jal a cité comment rassembler ou comment faire. Comment réconcilier ces deux parties. Et à la fin du verset, Allah Azza wa Jalla dit إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةَ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ. Les croyants sont des frères, réconciliez donc entre vos frères. Réconciliez-vous donc entre vos frères. Après avoir cité les versets où Allah Azza wa Jalla parle des deux parties, des deux groupes de musulmans qui se tuent et qui se combattent. Donc dans ce verset, on en déduit que le fait de tuer n'est pas une mécréance, car Allah Azza wa Jal les a appelés croyants. يقول الشيخ عبد الله سماهم مؤمنين وهم يتقاتلون وأمر بالاصطلاح بينهم وجعلهم من إخوتنا وهم يتقاتلون. Cheikh Fawzan dit Allah Azza wa Jal les a appelés croyants alors qu'ils se tuent, et a ordonné de réconcilier entre eux, et a fait de nos frères, وَهُمْ يَتَقَاتَلُونَ, alors qu'ils se tuent les uns les autres. فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْقَاتِلَ لَا يَكْفُرُ. Cela prouve que le tueur, que l'assassin, que celui qui tue en islam, ne devient pas mécréant. Cela fait partie des grands péchés, certes, mais cela ne le fait pas sortir de l'islam. فَلَمَّا ذَكَرَ الْقِصَاصِ قال فمن عفي له من اخيه. Et Cheikh Fawzan rapporte une autre preuve. Il dit lorsque Allah Azza wa Jal a parlé de la loi du talion. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, dans sourate Al-Baqarah, le verset 178, فمن عفي له من اخيه. Celui qui a été pardonné pour son frère. Celui qui a été pardonné par qui? Qui était pardonné par qui? Qui est pardonné? Le tueur. Il est pardonné par qui? Par la famille du tué. Par la famille de la victime. Donc ici, c'est l'assassin qui est pardonné par la famille de la victime. Alors, Azza wa Jalla dit, فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ. Celui qui a été pardonné pour son frère. Autrement dit, celui qui a été pardonné par la famille de son frère qu'il a tué. Donc Allah Azza wa Jal a considéré la victime comme étant le frère de l'assassin. Min akhihi ay al-qatil. Le Cheikh Fawzan dit de son frère, c'est-à-dire de la victime. Faja'al al-qatil akha lil-qatil. Allah Azza wa Jal a fait dans ce verset a fait de la victime le frère du tueur. Fadalla ala anna al-qatil la yakfur. Cela prouve que le tueur n'est pas mécréant. Wa annahu akhun lil-qatil bil-iman. Et qui est le frère de la victime par la foi. Innama al-mu'minuna ikhwa. Les croyants sont frères entre eux. Non. On peut dire ça. On peut dire que le meurtre, c'est un kufr asrar. Et certains savants disent même que tous les grands péchés font partie du kufr asrar. Non. Car ce n'est pas un kufr qui fait sortir la personne de l'islam. C'est une petite mécréance qui ne fait pas sortir la personne de l'islam. فأهل الزير يأخذون طرفا من الأدلة وهو متشابه القرآن والسنة ويتركون الطرف الآخر الذي يوضحه ويفسره ابتغاء الفتنة من أجل صرف الناس عن الحق وتشكيك الناس في الدين. Donc Cheikh Fawzan dit, hafidhahullah, et les gens de l'égarement prennent donc une partie des preuves qui sont les ambiguïtés ou des preuves ambiguës dans le Coran et dans la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et délaissent les autres parties de preuves présentes également dans le Coran et dans la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui viennent expliquer et montrer le sens de ces choses ambiguës. Et ces personnes font ceci dans le but de créer la zizanie, dans le but de créer la turpitude sur terre, et dans le but de dévier les gens de la vérité et de les faire douter de la religion. Car le but des Khawarij, lorsqu'ils disent cela, quel est leur but? Lorsqu'ils disent que celui qui désobéit à Allah Azza wa Jal est un mécréant. Quel est leur but? Voilà. Leur but, c'est que tu aies une doctrine en toi et que toute personne qui désobéit à Allah Azza wa Jal, quelle que soit sa désobéissance, est mécréant. Et l'on dit, on commence par le premier qui est le gouverneur. Le gouverneur qui n'applique pas la loi d'Allah désobéit, donc c'est un mécréant. وَالصَّوَابُ اِبْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ مِنْ أَجْلِ صَرْفِ النَّاسِ عَنِ الْحَقِّ وَتَشْكِيكِ النَّاسِ فِي الدِّينِ وَيَقُولُونَ إِنَّنَا نَسْتَدِلُّ بِالْقُرْآنِ أَوْ نَسْتَدِلُّ بِالسُّنَّةِ. Et ils disent, ces gens égarés, nous avons pour preuve le Coran et nous avons pour preuve la Sunna. وَالصَّوَابُ أَنَّهُمْ لَمْ يَسْتَدِلُوا لَا بِالْقُرْآنِ وَلَا بِالْأَحَادِيثِ. Cheikh Hosen dit, et la vérité, c'est qu'ils n'utilisent pour preuve ni le Coran ni la Sunna. لِأَنَّ هَذَا لَيْسَ اسْتِدْلَالًا صَحِيحًا. Car ce n'est pas une façon de prouver qui est véridique et valide. بَلْ هُوَ قَطْعُ النُّصُوصِ بَعْضُهَا عَنْ بَعْضٍ. Mais c'est plutôt couper les versets d'Allah et les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam et isoler les uns des autres. لَيْسَ اسْتِدْلَالًا صَحِيحًا. Et ceci n'est pas un moyen de preuve légiféré et légitime. بَلْ هُوَ اسْتِدْلَالٌ بَاطِلٌ. C'est même un moyen de preuve qui est nul et rejeté. كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلْ. Et il coupe ce qu'Allah a ordonné de rassembler. Et il divise ce qu'Allah Azza wa Jal a ordonné de rassembler. فَتُرْجَعُ الْأَدِلَّةُ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ وَلَا يُضْرَبُ كِتَابُ اللَّهِ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ أَوْ كَلَامُ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُضْرَبُ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ وَإِنَّمَا يُرْجَعُ بَعْضُهُ إِلَى بَعْضٍ وَيُفَسَّرُ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ. Donc, on doit réunir les preuves les unes avec les autres et on ne doit pas les contredire et faire en sorte que la parole d'Allah, ou considérer que qu'une parole d'Allah en contredit une autre, ou que la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam en contredit une autre, mais il faut rassembler les différents versets et les différents hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le but que l'un explique l'autre. وَلِهَذَا يَقُولُ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ آمَنَّا بِهِ كُلُّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا الْمُحْكَمُ وَالْمُتَشَابِهِ فما دام ان كله من عند ربنا فانه يفسر بعضه بعضا. Et c'est pour cela que les gens qui sont ancrés dans la science, comme on l'a informé Allah Azza wa Jal, والراسخون في العلم qu'est-ce qu'ils disent يقولون آمنا به كل من عند ربنا nous y croyons tout provient de notre Seigneur à la fois les versets à équivoque et à la fois les versets sans équivoque tant que cela provient d'Allah subhanahu wa ta'ala ils s'expliquent les uns les autres ou plutôt les versets sans équivoque expliquent ceux qui sont ambigus car la parole d'Allah azza wa jalla wa kalam Allah la yatanaqad comme a dit Allah ta'ala afala yatadabbarun al-Qur'an wa law kana min 'indi Allah la wajadu fihi ikhtilafan katira car la parole d'Allah azza wa jalla ne se contredit pas les paroles d'Allah azza wa jalla ne se contredisent pas entre elles comme on a informé Allah subhanahu wa ta'ala afala yatadabbarun al-Qur'an ne réfléchissent-ils pas ne méditent-ils pas dans le Coran et s'ils provenaient d'autres qu'Allah ils y auraient trouvé de nombreuses incohérences si ce livre, le Coran ne provenait pas d'Allah Azza wa Jal on y aurait trouvé de nombreuses incohérences et de nombreuses contradictions. فَكَلَمُ اللَّهِ La parole d'Allah, il n'y a pas de contradiction dedans. Il n'y a pas de divergence. وَلَكِنْ يَحْتَاجُ إِلَى إِيمَانٍ Mais la parole d'Allah Azza wa Jal a besoin de foi. وَإِلَى عِلْمٍ رَاسِخٍ بِوْجُوهِ الْإِسْتِدْلَالِ وَكَيْفِيَةِ الْإِسْتِدْلَالِ بِالنُّصُوصِ Et la parole d'Allah Azza wa Jal a besoin d'une science ancrée dans les différentes façons de puiser des preuves yahtaju ila basira wa ila rusukh fi al-ilm il a besoin de clairvoyance et de yani d'expérience dans la science de haythu yu'raf ya'rifu dhalika al-mujtahid de telle sorte que celui qui a atteint le degré de mujtahid parmi les savants en connaisse le sens ولذلك يشترطون في المجتهد أن يكون عالما بكتاب الله وبسنة رسول الله يعرف الناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد والمجمل والمبين والمحكم والمتشابه يجب عليه أن يعرف هذه الأمور وإلا فإنه لا يسوغ له الاجتهاد والكلام في مسائل العلم حتى يعرف هذه الأمور لئلا يقع فيما وقع فيه أهل الزيغ Et c'est pour cela que parmi les conditions d'un مجتهد Un mujtahid, c'est un savant qui a atteint un degré de science qui lui permet de faire des efforts sur des sujets qui n'ont pas de réponse directe ni dans le Coran, ni dans la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Et un savant, comme l'a dit Al-Imam Al-Qayyim, rahimahullah, ce sont ceux qui tamponnent au nom d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ce sont eux qui attestent et qui cachettent au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'un savant fait un ijtihad et donne une réponse à une question nouvelle, il atteste que c'est la religion d'Allah et que c'est ainsi qu'il doit être adoré. Donc c'est une responsabilité qui est grande. C'est pour cela que parmi les conditions du mujtahid, comme le dit Cheikh Al-Fawzan, c'est qu'il soit savant dans le livre d'Allah, dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il connaisse l'abrogé et l'abrogeant, qu'il connaisse les preuves qui sont mutlaq et muqayyad, qui sont globales et d'autres spécifiques, qui sont générales et précises, qui sont à équivoque ou sans équivoque, il doit connaître tout ceci. Sinon, il ne lui est pas permis de faire des efforts ni de parler dans les sujets de science jusqu'à ce qu'il ait la connaissance de tout ceci et tout ceci pour ne pas tomber dans l'égarement des gens qui ont une déviance et qui ne prennent qu'une partie des versets et des hadiths et en délaissent les autres. Un savant qui ne connaît pas les versets ambigus et les versets sans équivoque. Est-ce qu'il peut donner une fatwa ? Non. Car il peut se baser sur un verset qui est ambigu sans que lui ne le sache. et qu'il y a un autre verset qui lui est sans équivoque, qui est clair, qui vient expliquer ce verset ambigu. Et faire une fatwa en se basant sur un verset ou sur un hadith qui est ambigu revient à imiter les gens de l'égarement qui utilisent une partie des versets ou une partie des hadiths dans le but d'égarer les gens. Même si ce savant ne dit pas ça dans le but d'égarer les gens, mais le fait est qu'il a fait un effort alors qu'il n'en est pas capable et qu'il ne fait pas partie des gens qui sont alloués pour ce genre de choses. وقال في ذمي يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله وقال في ذمي مبتغي التأويل لمتشابه تنزيله فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله فجعل ابتغاء التأويل علامة على الزيغ وقارنه بابتغاء الفتنة في الذم. Donc l'imam ibn Qudama al-Maqdisi dit, et Allah Azza wa Jal a dit, en réprimandant ceux qui interprètent, ou ceux qui utilisent l'interprétation par des versets ambigus, Allah Azza wa Jal a dit, en les réprimandant, فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ et ceux qui ont une déviance dans leur cœur, فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ils suivent ce qui est ambigu dans ce livre اِبْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ en voulant la turpitude وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ et en voulant l'interpréter وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ et seul Allah Azza wa Jal en connaît l'interprétation. فجعل ابتغاء التأويل علامة على الزيغ. Donc Allah Azza wa Jal a fait le fait de vouloir interpréter un signe de déviance et de détournement de la vérité. وقرنه بابتغاء الفتنة في الذم. Et Allah Azza wa Jal l'a associé au fait de vouloir la turpitude. Allah Azza wa Jal a rassemblé le fait de vouloir l'interprétation et vouloir la fitna, c'est-à-dire al-fasad, yani la turpitude sur terre. Alors Azza wa Jal a fait de ces deux choses, a fait pour celui qui veut interpréter, il l'a mis à la même échelle que celui qui veut la turpitude sur terre. C'est clair ou pas? Celui qui veut interpréter le Coran en utilisant les versets ambigus, d'accord, est comparable à celui qui veut faire le mal sur terre. فَجَعَلَ ابْتِغَاءَ التَّأْوِيلِ عَلَامَةً عَلَى الزَّيْرِ Allah Azza wa Jalla a fait du fait de suivre les ambiguïtés du Coran comme un signe de détournement et il l'a mis dans le même piédestal que celui qui veut le mal sur terre, que celui qui veut faire le mal sur terre. Ibtira' at-ta'wil, يقول الشيخ الفوزان, ibtira' at-ta'wil, ibtira' at-ta'wil al-mutashabih دون irja'ihi ila al-muhkam 'alamatun 'ala al-zayr. De vouloir interpréter un verset ambigu sans le soumettre au verset clair et sans équivoque est un signe de détournement et d'égarement. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْرٌ comme Allah Azza wa Jalla dit, et ceux qui ont dans leur cœur une déviance, أي انحراف, c'est-à-dire un détournement. وَالزَيْرُ مَعْنَاهُ الْإِنْحِرَافُ عَنِ الْحَقِّ et الزَيْرُ, le détournement, signifie dévier de la vérité. فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ils suivent ce qui est ambigu dans le Coran, يأخذون بطرف فقط من الأدلة ويتركون الطرف الآخر. Ils prennent une partie uniquement des preuves et délaissent les autres. ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ابتغاء معرفة تأويله أي تفسيره على المعنى الأول أو ما يقول إليه في المستقبل وهو التفسير الثاني. C'est-à-dire qu'ils veulent connaître l'interprétation, c'est-à-dire les deux sens d'interprétation connus, à savoir le premier qui est de connaître l'explication et le sens d'une chose, et la seconde qui est ce qu'une chose devient dans le futur. Mais il a utilisé pour cela des versets qui sont ambigus. وكلاهما باطل سواء ابتغوا التفسير الذي هو بيان المعنى فإن المعنى لا يتضح إلا برده إلى المحكم أو بالمعنى الثاني وهو ابتغاء معرفة الحقيقة والمآل الذي يؤول إليه فإنهم لا يدركون هذا. Et dans les deux cas, ils sont dans le faux. Pourquoi ? Si on prend le premier cas où ils veulent connaître l'explication et le sens d'une chose, comme le dit Cheikh Fawzan, ils ne pourront comprendre que si ils soumettent ce verset à aux versets qui sont clairs. Donc en se basant sur les versets ambigus pour connaître le sens, cela est une erreur d'office. Et même s'ils veulent connaître le second sens du ta'wil, qui est de connaître ce qu'une chose va devenir dans le futur, ils ne pourront pas, car c'est une chose qui est connue que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous avez compris ou pas? C'est clair? Al-awwal ya'lamuhu Allah wa rasikhuna fil 'ilm. La première explication, le sens d'une chose, le sens d'un mot est connu d'Allah, mais également est connu de ceux qui sont ancrés dans la science. أما الثاني فلا يعلمه إلا الله سواء أرادوا هذا أو هذا هم أهل زيغ ما داموا يأخذون ببعض النصوص. Donc comme le deuxième sens n'est connu que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Cheikh Fawzan dit, et qu'il veuille le premier sens ou le second, ils sont dans les deux cas égarés, car ils ne prennent qu'une partie des preuves et pas l'ensemble. Ils prennent, comme dit Cheikh Fawzan, ce qui leur est profitable et délaissent ce qui ne leur est pas profitable. Ils prennent également ce qui contredit leur passion. Ce sont donc des gens égarés. Yuriduna fitnat al-nas. Ils veulent éprouver les gens et les dévier. Wa sarf al-nas an al-din. Et dévier les gens de leur religion. Wa yuriduna at-tashkika fi kalamillah. Et ils veulent qu'un doute soit présent dans la parole d'Allah. Wa kalami rasulihi sallallahu alayhi wa sallam bi hujjati annahum yastadiluna bil Qur'an. Et également, ils veulent semer le doute dans les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant qu'ils ont pour preuve des Corans, qu'ils ont pour preuve le Coran ou la Sunna, ou bien la Sunna, bien akhadu taraf minha wa taraku at-taraf al-akhar, en prenant une partie et en délaissant une autre. وهذا ليس استدلالا بكلام الله وانما هو تمويه للناس والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا رايتم je pense que vous avez اذا رايتهم اذا رايتم اذا رايتم الذين يتبعون المتشابه فاولئك الذين سمى الله فاحذروهم اذا رايتم الذين يتبعون المتشابه فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ سَمَّ اللَّهُ فَحْذَرُوهُمْ. Et Cheikh Fawzan rapporte la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque vous voyez ceux qui recherchent les ambiguïtés, فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ سَمَّ اللَّهُ, ce sont eux qu'Allah a nommés, prenez garde contre eux. فَحْذَرُوهُمْ كَمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ, comme cela est rapporté dans le Sahih de Bukhari et de Muslim. Aïe الذين سمى الله في هذه الآية فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل. C'est-à-dire ceux qu'Allah Azza wa Jalla a nommés dans le Coran dans ce verset et ceux qui ont une déviation dans leur cœur et qui suivent les ambiguïtés en voulant le mal et en voulant l'interprétation. فاحذروهم prenez garde contre eux, la taqbalu kalamahum, ou yaruju alaykum kalamahum li'annahu batil. Prenez garde à ne pas accepter leurs paroles et à ne pas être influencé par leurs paroles, car tout ceci est faux. Et dans le hadith de Bukhari et Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith, a d'abord commencé par citer le verset. A lu la parole d'Allah Azza wa Jal dans Sourate Ali Imran, puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Idha ra'aytumul ladina yattabi'una al-mutashabih, lorsque vous voyez ceux qui suivent les ambiguïtés, ce sont eux qu'Allah a nommés, prenez garde. حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الصنف من الناس وهم المتلاعمون المتعالمون الذين لم يبلغوا درجة من العلم تؤهلهم للكلام في العلم أو أنهم على علم لكن يريدون تضليل الناس وصرفهم عن الحق. شيخ فوزان دي le prophète صلى الله عليه وسلم nous a mis en garde contre cette catégorie de personnes qui sont des pseudo-savants qui n'ont pas atteint le degré de la science qui leur permet de parler dans ce domaine, ou bien ils ont de la science, mais le but de cette science est de détourner les gens et de les égarer de la vérité. Fa'ula bayn amrayn, Michel Fauzan dit, ceux-ci, ces parcelles-là, sont entre deux situations. إما أنهم جهال دخلوا فيما لا يحسنون. Soit ce sont des ignorants qui sont entrés dans ce qu'ils ne connaissent pas. وإما أنهم ضلال يريدون ضرب كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم بعضهما ببعض فهم أهل زيغ على كل حال نسأل الله العافية سواء قصدوا هذا الزيغ أم لم يقصدوه. Ou bien ce sont des personnes qui sont égarés, qui égarent et qui veulent contredire la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam et créer une contradiction entre eux. Ce sont donc des personnes égarées dans tous les cas, qu'Allah nous en préserve, et que leur but soit la déviance ou autre, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. فَلَا يَسُورُ لِيَحَدٍ يَتَكَلَّمَ فِي كَلَمِ اللَّهِ وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم إلا إذا كان لديه ملكة علمية تؤهله لأن يكون من الراسخين في العلم. Il est donc pas permis de parler, il est donc permis à personne de parler dans les paroles d'Allah, de parler sur la parole d'Allah ou sur les paroles du prophète صلى الله عليه وسلم, sauf s'il a un bagage de science qui lui permet d'être ou de faire partie de ceux qui sont ancrés dans cette science. الَّذِينَ رَسَخَتْ عُلُومُهُمْ وَالرُّسُخُ مَعْنَاهُ الثُّبُوتُ. Ceux dont leur science est ancrée, et الرُّسُخ signifie الثُّبُوت, c'est-à-dire quelque chose de ferme. أي رَسَخَتْ أَقْدَامُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ فِي الْعِلْمِ, c'est-à-dire que leurs pieds et leurs cœurs sont fermes dans la science, بِالْعِلْمِ النَّافِعِ, dans la science bénéfique bien sûr. هؤلاء هم الذين لهم الحق في الكلام, ce sont eux qui ont le droit à la parole. وهذا ينطبق على علماء السلف, et ceci s'applique aux savants des salafs. وعلى من تبعهم واقتفى اثارهم, et de tous ceux qui les ont suivis et qui ont suivi leurs traces parmi les savants par la suite. هؤلاء هم الراسخون في العلم, ce sont eux ceux qui sont ancrés dans la science. ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.